Exercice 4. A. Je ne peux pas te parler maintenant. B. Tu ne manges pas ton petit bout de pain ? C. C'est une belle journée de printemps. D. Prends le boulevard au bout de la rue. E. Je crois que je suis rarement venue chez toi.